de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Comme le western ou la comédie musicale, la comédie italienne est au fond un genre en soi du cinéma. Si, comme en tout genre, le pire côtoie le meilleur, on ne peut qu'en admirer l'immense richesse et l'énergie, la multitude des talents qui auront su y exprimer le génie d'un peuple dans sa diversité. De Camerini, Blazzetti et Matarazzo à Rizzi, Comencini, de Toto, des frères et sœurs des Filippo, à Sordi, Gassman et Tognazzi, en passant par De Sica, Sofia Loren et Lollobrigida, la comédie italienne aura été la seule à rivaliser avec la comédie américaine. En 1981, l'un de ses plus grands maîtres, Mario Monicelli, disait ceci. Quoi qu'en pensent certains critiques, peu enclins au rire et méconnaissant le rôle de la satire et de l'hilarité, la comédie italienne a eu un grand retentissement dans l'histoire des mœurs italiennes. Je ne crois pas qu'il y ait eu au monde un cinéma comique qui ait eu cette ténacité pour combattre les fléaux sociaux. En 1980, Les Nuits Magnétiques consacraient 5 émissions au cinéma italien. La dernière de la série s'intéressait à la comédie italienne. Cinéma sous les branches, séquence 5, la comédie italienne. Par Roland Auguet, Chantal de Béchade, Marie-France Nussbaum. Avec Alain Garel, Jean Gilly, Gérard Legrand, Simon Misrahi, Mario Monicelli. Le public italien, dans son ensemble, pour des raisons assez faciles à comprendre, va un peu au cinéma, a toujours été au cinéma comme un peu on va au cirque ou comme on va à la fête. Quoi. Il y a un sens de la fête, de la sortie familiale lorsqu'on va au cinéma, qui est quasiment perdu en France. Et les Italiens, qui sont des gens extrêmement cyniques, drôles, qui savent rire d'eux-mêmes, qui prennent le temps de vivre, de s'amuser, qui sont vraiment de bons vivants, n'aiment pas s'ennuyer au cinéma, radicalement pas. Ce qui fait que tout le courant du cinéma sérieux, intellectuel, responsable, du film d'auteur, a un écho très faible en Italie. Il n'y a quasiment pas de salle d'arrêt d'essai en Italie. Il n'y a pas de version originale sous-titrée, parce que le public ne les demande pas. Les efforts désespérés d'une classe intellectuelle pour imposer ce genre de film, à peu d'exceptions près, se solde par un échec assez lamentable. Ce qui fait que les Italiens, à partir du moment où ils ne veulent pas s'ennuyer au cinéma, refusent des films qui ne participent pas, pour eux, de ce sens de la fête. La comicité italienne, c'est une comicité un peu grossière, un peu qui rit sur les misères des autres, sur la femme, qui rit sur les maladies, qui rit sur les pauvres gens. Et alors, c'est toujours amer, c'est toujours quelque chose qui est très attaché à la vérité, à la réalité. C'est rien, mais attaché à les choses dans la rue, qui sont autour de nous. Ça, c'est la grande tradition qui est aussi vulgaire. Hein? C'est vulgaire dans le sens qui est populaire et aussi grossier un peu. Le cinéma italien était un cinéma de genre comme le cinéma américain. Et ce cinéma repose sur un certain nombre de genres. Un, c'est le mélodrame, qui va d'ailleurs continuer jusque dans l'après-guerre et qui sera toujours un des genres aimés du public italien. Il y a le film d'aventure, et qui est d'ailleurs généralement un film en costume, c'est-à-dire très souvent un film qui se situe dans le passé. Un film de cap et d'épée, par exemple. Et puis, un des genres, il y a le film musical également, inspiré de l'opéra, dans lequel jouent des ténors, des gens qui se sont fait connaître dans l'art lyrique. Et puis, il y a la comédie. Codelli a dit une fois dans l'un de ses articles que la comédie était le cinéma italien par excellence. On pourrait paraphraser un petit peu d'ailleurs André Bazin qui disait que le western était cinéma américain par excellence. Effectivement, moins par la gesticulation, par le mouvement, que par le fait que ce sont deux gens profondément enracinés dans la culture et la tradition populaire et principalement la tradition orale. Alors les années 30, et on le découvrira bientôt, il y a trois très très grands metteurs en scène italiens de comédie, j'irais même quatre, parce que le quatrième est beaucoup moins connu et ce sera sans doute une découverte pour le public français. C'est tout d'abord Vittorio De Sica, et là on découvrira vraiment que peut-être, je pèse mes mots, les films mis en scène et interprétés, bien entendu, presque toujours, les mises en scène par Vittorio De Sica avant la guerre sont au moins aussi prodigieux et aussi forts que les films qui l'ont rendu célèbre après la guerre, c'est-à-dire Le voleur de bicyclette, Chouchia, etc. On découvrira des films comme Madeleine Zéro de conduite, Rose écarlate, Thérèse Vendredi avec Anna Magnani, La porte du ciel, etc., qui sont des films qui ont une charge comique explosive. Je veux dire, ce sont des films qui soutiennent, encore une fois, la comparaison avec les films des grands auteurs américains de comédie de l'époque. Lou Beach, Cukor, McCarey, que sais-je. Mario Camerini, autre metteur en scène extrêmement important, qui a fait des films comme Monsieur Max, Les hommes qu'elle mufle, et encore quelques autres. Alessandro Blasetti, qui est très connu, mais pour d'autres films, pas pour les comédies au vitriol qu'il avait tourné à l'époque. Il y avait vraiment une émulation fantastique. Je veux dire, ils cherchaient tous, ils se connaissaient tous, bien entendu. Rome est un petit bled de province. Ils cherchaient tous à se surpasser. Ils se volaient d'ailleurs des idées parfois. C'était assez drôle. Il y a pas mal d'anecdotes à raconter à ce sujet-là. Et un metteur en scène qu'on découvrira, qui est prodigieux, qui s'appelle Raffaello Matarazzo, qui a fait sans doute, à ma connaissance, le film le plus méchant et le plus dur et le plus lucide qu'on ait fait sur l'argent, qui s'appelle Jour de noces, qu'il a tourné en 1942. Alors, ce sont les quatre grands metteurs en scène des comédies italiennes avant la guerre. Lo forastiero d'arma sull'aia. Raffaello Matarazzo, l'un des plus grands cinéastes italiens et certainement le plus méconnu. Il est décédé il y a 10-15 ans maintenant. A réalisé en 30 ans, c'est-à-dire des années 30 jusqu'aux années 60, une quarantaine de films, 20 étant des comédies, 20 autres étant des mélodrames. Et Matarazzo n'a jamais fait l'objet d'une seule étude et d'une seule ligne, supposant un certain intérêt pour son œuvre de la part d'une critique, qu'elle soit italienne ou française. C'est seulement récemment que Lorenzo Codelli, justement, a entrepris la réévaluation de l'œuvre de Matarazzo avec Simon Mizrahi. Bon, on s'aperçoit que Matarazzo, dans les années 30, avait réalisé son premier film d'ailleurs, s'appelait Treno Popolare, Train Populaire, était un documentaire romancé sur les vacances des Italiens moyens dans les années 30 sous le fascisme. Et c'est, je crois, Riccardo Freda qui disait que le film était certainement le plus extraordinaire document cinématographique qu'il nous a donné de voir sur le comportement quotidien de l'Italien moyen. Mais apparemment, Matarazzo ne devait pas avoir filmé, tourné son film selon des critères que la critique d'après-guerre considérait comme artistiques, puisque c'est un film qu'on a oublié, que l'on a redécouvert tout récemment. Et Matarazzo était relégué à l'arrière-plan parce que réalisateur de comédies et mélodrames qui pouvaient être que commerciaux, puisqu'il n'avait d'autre but que de faire rire ou pleurer les prolétaires, enfin le populaire. E Enzuret Francisca lo paese. E ci ha pigliato una bella paesena. A Francesca l'hanno messo lo mazzomena. De rose e de viola cadurevo. Zitto com'era mi, qui so cose da far sarire. Quando domani sera, sì, sì, ma venga coca che segneri. E son che sette mesi che so sposata, nemmeno se tu esci m'aveva detta. Francesca non è buona a fare l'unzuretta, puzzessa ci sa la mamma che l'ha la vetta. Zitto com'era me, qui so cose da far sarì, quando è domani sera, sì, sì, ma venga coca che segneri. La comédie populaire, c'est une comédie qui trouve son origine dans le théâtre, qui est une comédie qui est une espèce de mélange de genres différents qui emprunte un peu à la comédie dell'arte et qui emprunte un peu à l'avant-spectacle. L'avant-spectacle, c'était un spectacle donné dans les salles de cinéma avant la projection du film. C'était un type de spectacle qui a fonctionné pendant très longtemps en Italie et qui, d'une certaine manière, existe encore un tout petit peu. C'est-à-dire qu'il y a encore actuellement à Rome des salles dans lesquelles l'on a un petit spectacle sur scène, puis le film. Et ce petit spectacle, qui d'ailleurs pour l'essentiel maintenant n'est plus que du striptease, c'est le dernier avatar de l'avant-spectacle des années 30. Cet avant-spectacle dans lequel se produisaient notamment des espèces de chansonniers qui venaient commenter la vie de l'époque. Et cet avant-spectacle avait conservé un tout petit élément de satire, de satire même vis-à-vis du régime. On sait que, par exemple, certaines répliques, certaines histoires circulaient encore contre le fascisme dans ce théâtre-là. Mais c'était évidemment très circonscrit, ça a touché un public populaire et ça n'a jamais réellement eu une influence sur l'attitude générale du peuple italien. C'était une manière, dans le fond, de se défouler à bon compte, sans que ça aille bien loin. Alors le cinéma a récupéré un certain nombre de ces acteurs, qui étaient des acteurs connus, et les a fait travailler. Alors évidemment, on a par exemple beaucoup puisé dans le théâtre napolitain. C'est toujours une source très riche d'acteurs. On est allé chercher, par exemple, dans ce théâtre napolitain, les frères De Filippo. Ou on est allé, celui-là ne tournera pas beaucoup, on est allé chercher un auteur et acteur napolitain de grande importance, à peu près complètement ignoré en France, qui s'appelle Raffaele Viviani. Et puis, on est allé chercher également dans ce théâtre napolitain un acteur fondamental de toute l'histoire du cinéma italien, et qui, alors lui, je crois, est quand même assez bien connu en France, c'est Toto. Alors, tous ces acteurs qui étaient à l'origine des acteurs dialectaux, des acteurs qui jouaient en dialecte, lorsqu'on les a fait jouer dans des films, du point de vue de la censure, il était évident qu'on allait être obligé de les faire jouer en italien. Mais on peut facilement imaginer que ces acteurs allaient avoir une manière de parler l'italien qui ne serait pas celle d'un speaker de radio. Ces gens-là arrivaient avec un tel bagage culturel, régional, que quelque chose en resterait. À quel niveau ? Bien, d'abord, dans la manière, dans les cadences, dans l'accent, dans l'intrusion à certains moments de mots empruntés au dialecte. Donc, il jouait un italien, mais c'était un italien, dans le fond, qui restait extrêmement proche de son origine dialectale. Et ces acteurs ont ainsi introduit, dans ce cinéma italien de la période fasciste, ont ainsi introduit une espèce de vivacité, de spontanéité, qui était complètement absente dans le reste de la production cinématographique. Et ont même introduit, par certains côtés, ont même maintenu une espèce de contact avec la réalité italienne qui est complètement absente dans le reste de la production. C'est-à-dire que si l'on veut regarder les films des années 30 et essayer d'y voir un témoignage sur ce qu'était l'Italie de la période, eh bien, dans les films, disons, officiels, entre guillemets, on n'y verra rien. C'est-à-dire on voit un lieu qui est complètement abstrait, avec très peu de sorties, par exemple, dans des cours naturels. C'est un cinéma qui se fait presque complètement. C'est d'ailleurs pas par hasard aussi que les grands studios de Cinecittà sont construits dans les années 36-37. C'est parce que les besoins de la production, une production en pleine expansion, une production qui atteindra 120 films en 1942, et en 1942, 120 films, c'est le premier rang européen. Donc une production qui se développe, qui se renforce du point de vue économique, du point de vue des infrastructures. Donc c'est pas par hasard qu'on construit les studios, c'est parce qu'on a besoin de studios, parce qu'on tourne de plus en plus de films, et que le cinéma de l'époque est un cinéma qui se fait en studio. Donc un cinéma dans lequel l'Italie est une Italie complètement reconstruite en studio. Et là on peut la reconstruire de manière complètement abstraite. Alors que ces acteurs et ce type de comédie populaire était un type de comédie qui, par la force des choses, devait se situer dans des lieux un peu plus déterminés. On ne pouvait pas faire tourner Toto, par exemple, ou pas mettre Toto dans un décor complètement stéréotypé, c'était impossible. Toto portait avec lui un tel bagage de tradition, de désespoir napolitain que l'on ne pouvait pas le prendre et puis le faire jouer dans un film qui n'aurait rigoureusement aucun lien avec ses racines, avec l'univers dont il provenait. Alors ce qui fait qu'en travaillant sur cette période, en essayant de définir, de comprendre un peu ce qu'étaient les mentalités de l'époque, ce qu'était l'Italie de l'époque, eh bien il faut voir ces films-là. C'est dans ces films-là que l'on peut se faire une idée un peu plus précise de ce que pouvaient être les problèmes des gens, de ce que pouvaient être les difficultés de l'époque, gagner un petit peu plus d'argent, arriver à vivre un peu mieux, faire une sortie à la plage, et toutes choses qui sont ces petits objectifs d'une société, évidemment une société dans son ensemble assez pauvre, et qui est bien loin des modèles stéréotypés que l'on trouve dans la production la plus courante de la période. Quand on voit par exemple les films de Viviani, enfin le film de Viviani, et qui évoque notamment, ce film s'appelle La Table des Pauvres, et ce film, La Table des Pauvres, c'est un film qui, c'est un film 1932, mis en scène par Blasetti, c'est un film qui est centré sur le thème de la table des pauvres, c'est-à-dire chaque année, la bonne société napolitaine offre une espèce de grand repas, de banquet, aux pauvres de Naples, lesquels, une fois par an, sont donc conviés à une espèce de repas dont ils vont ressortir généralement au bord de l'indigestion. Et en faisant un film là-dessus, on montre bien sûr à la fois l'œuvre de bienfaisance, c'est rassurant, mais en même temps, on ne peut pas complètement échapper à l'imagerie d'une pauvreté, d'une misère napolitaine. Donc là, il y a une espèce d'image officielle de l'Italie qui se déchire. Et on voit apparaître autre chose. Et une autre chose qui est visible dans très peu de films. Pratiquement, il faudra attendre 42-43, c'est-à-dire les films qui évoquent la situation, les films de propagande qui évoquent la guerre. Parce que, évidemment, alors après, il y aura évidemment des films de propagande tournés pendant la guerre. Mais ces films-là sont complètement semblables à ce qui se faisait aux États-Unis ou en Angleterre ou en Russie. C'est-à-dire le cinéma de propagande belliciste est le même dans tous les pays. Puis c'est déjà la seconde période, les choses évoluent. Et dans ces films-là, on commence à voir, bien sûr, qu'il y a des restrictions, que la vie n'est pas sûre, que les maris ne sont pas là parce qu'ils sont partis combattre, et que les femmes deviennent infirmières ou deviennent marraines de guerre. Mais là, c'est plus lié, les difficultés sont plus liées à la guerre qu'au fascisme. Donc maintenant, on peut les exprimer. Le problème des difficultés, le problème de la dureté de la vie peut se montrer sur l'écran à la condition que ce ne soit pas montré comme la conséquence du régime fasciste, mais comme la conséquence de la guerre. Là, le problème change. Évidemment, on ne pourrait pas montrer des difficultés qui seraient les conséquences directes du régime fasciste. Pensez que, par exemple, dans un film des frères de Filippo, qui s'appelle Le Tricorne, qui est un film se situant au XVIIIe siècle, il y a un moment, un petit soulèvement dans un marché de Naples, parce que les gens se plaignent de l'augmentation des impôts. Et la séquence a été interdite. Donc bien que ce soit un film situé en arrière dans le temps, on a interdit la plainte, l'expression de la plainte des gens vis-à-vis des impôts. Parce qu'en Italie fasciste, les gens ne se plaignent pas des impôts. Ça n'existe pas. Donc, évidemment, c'est au travers de ces comédiens-là, au travers des films dans lesquels ils jouent, qu'un tout petit peu de ce contact avec la réalité n'a pas été complètement perdu, quoi. Et je crois qu'il y a, si l'on fait une histoire du cinéma italien et si l'on fait une histoire des rapports du cinéma italien avec la réalité italienne, avec le climat culturel, le climat économique et social réel du pays, je crois que pour traverser la période fasciste et pour conserver un lien précis avec ce climat, il faut aller chercher dans les comédies, et dans les comédies populaires. Popolo del paese, sentite, sentite, sentite. Per ordine di Sua Eccellenza, lo fascista, lo federale di Foggia. Tutte le femmine che fanno lo figlio sono premiate. 3.000 lire per ogni figlio. E se poi li chiamano Benito, doppio premio e favorito. Hitler e Mussolini sono stati due assassini. Hanno voluto fare la guerra per dominare mare, cielo e terra. Allo tempo degli fascisti attaccavano i manifesti. Le donne hanno figlia, lo popolo ha da aumenta. Quella donna che hanno figliera gli va a pregare santo la zera. Per un figlio 3.000 lire, se era mascolo 5.000 lire. Ce qu'il y a de formidable, c'est que les Italiens savent rire d'eux-mêmes et aiment rire d'eux-mêmes. Avec beaucoup de méchanceté. Plus la représentation des vices et des tares de l'italien moyen est méchante et cynique, plus les Italiens rient et plus ils aiment qu'on les représente avec méchanceté. Et Alberto Sordi, pour prendre les films d'Alberto Sordi, qui sont évidemment des films très importants puisqu'ils représentent l'italien type moyen, sont des films qui, si vous les voyez, on a malheureusement rarement l'occasion de les voir bout à bout. Mais il y a eu une rétrospective des films de Sordi qui a eu lieu à la Cinémathèque il y a 2 ans, où Sordi avait lui-même prêté ses propres copies. On s'aperçoit que ce sont des films d'une cruauté et d'une lucidité qui vous met dans un état de malaise prodigieux. Et les Italiens ont au contraire apprécié cette méchanceté et ce malaise parce qu'il les a fait réfléchir. Et c'est toujours pareil. Toutes les grandes comédies italiennes posent toujours des problèmes, mais sans ennuyer, sans ce côté pédant, didactique, professoral que l'on peut avoir dans des films qui poseraient les mêmes problèmes mais de façon sérieuse ailleurs en Europe. Je ne veux pas attaquer le cinéma français ou d'autres cinémas, mais ce qui est formidable avec les grands metteurs en scène italiens qui ont presque tous touché à la comédie, c'est qu'ils posent ces problèmes-là en faisant sourire ou avec ironie, ce qui fait évidemment passer la pilule. Et je ne connais pas franchement d'autres exemples dans le monde de films qui arrivent à dire autant de choses sans ennuyer et en faisant rire. Et c'est indéniablement en effet la force du cinéma comique, c'est qu'il est toujours en prise directe sur la réalité, mais par le biais du sourire. Fratelli tutti uniti, facciamo l'Italia nuova. Ci hanno rimasti nudi tutti traditori. Dobbiamo distruggere tutte le radici, rimaniamo amici con tutte le nazioni. E vivo la Repubblica dei lavoratori, e vivo la Repubblica della libertà. E la Repubblica è bella, non va trovando guerre, vuole la libertà, tutti dobbiamo lavorare. Chi sono i cristiani? Siamo noi i lavoratori, dalla mattina alla sera buttiamo il sudore. La comédie italienne est effectivement un genre original. sans quoi on n'aurait jamais individualisé dans le cinéma italien ce type de film. Cette originalité a d'ailleurs donné une autre manière de l'appeler, c'est la comédie à l'italienne. Ce qui signifiait qu'il y avait vraiment une spécificité de cette comédie que l'on pouvait essayer de retrouver dans d'autres domaines, des choses qui relèvent de la comédie à l'italienne. C'est-à-dire, ce film est quelque chose qui s'apparente à la comédie à l'italienne. J'avoue personnellement, le mot de « à l'italienne » étant souvent péjoratif, ou étant légèrement connoté de manière péjorative, je préfère effectivement utiliser le mot de « comédie italienne ». Cette comédie italienne, qu'est-ce qui la singularise ? Et je crois que, avant tout, c'est une comédie qui est profondément enracinée dans la réalité italienne. C'est une comédie qui propose une espèce de commentaire sur la vie du pays, de commentaire politique, économique, culturel, social, et une comédie qui ne fuit aucun des problèmes du pays, qui ne considère qu'aucun thème est tabou et que l'on peut parler de tous les sujets qui peuvent préoccuper les Italiens. Je voudrais tout de suite évacuer une réserve qui a été faite à propos de la comédie italienne. Il est certain que lorsqu'on aborde un thème grave et qu'on l'aborde dans des termes comiques, il y a toujours le danger de la récupération. Dans le fond, lorsque l'on s'inspire des attentats ou des enlèvements, et que on traite cela sur le mode comique, il peut y avoir un danger qui est celui de la récupération, qui est celui qui consiste à minorer un problème, à le traiter sur le mode humoristique, et à faire en sorte que le problème, au lieu d'être affronté, est digéré. C'est vrai que c'est un péril. C'est un péril constant, et c'est peut-être une des caractéristiques de la comédie italienne que de réussir à aborder dans des termes drôles des sujets graves et à ne pas en faire des sujets de complète récupération. Si l'on prend des exemples dans les films tournés au cours de ces toutes dernières années, si l'on prend le cas de Cher Papa, de Dino Rizzi, si l'on prend le cas d'Un bourgeois tout petit, de Mario Monicelli, si l'on prend le cas du Grand embouteillage, de Luigi Comencini, ces films sont des comédies. Ces films sont bâtis selon des modèles qui sont ceux de la comédie. Cela dit, ce sont des comédies italiennes. C'est-à-dire que ce sont des comédies qui vont bien au-delà des simples données drôlatiques de départ pour poser des questions extrêmement angoissantes et pour ne refuser aucune des conséquences de ces questions angoissantes. ces films, prenons par exemple Un bourgeois tout petit, qui est un film qui commence sur une description d'un univers de bureau, avec tous les travers, tous les comportements aberrants de cet univers petit bourgeois, qui décrit également le milieu familial du protagoniste. Et puis, ce film va, dans la seconde partie, basculer complètement en liaison avec l'intervention d'un événement extrêmement grave, et qui est celui qui, malheureusement, frappe de temps en temps l'Italie, qui est celui d'un vol dans une banque, une balle perdue tue le fils du protagoniste. Et à partir de là, on a la description de ce que peut être la violence quotidienne, de ce que peut être la vengeance, la volonté de se faire justice soi-même, qui va s'emparer du protagoniste, thème éminemment d'actualité, qui est celui, dans le fond, de refuser l'institution policière et l'institution judiciaire pour obtenir, pour imposer sa propre justice. Et le film a d'ailleurs suscité en Italie des débats considérables pour savoir si le héros du film, en l'occurrence Alberto Sordi, avait eu raison ou non de se faire justice. Et la qualité aussi de cette comédie, ou de ces comédies, c'est de ne jamais voir les choses en termes manichéens. En particulier, en choisissant de prendre comme protagoniste Alberto Sordi, c'est-à-dire un acteur qui plaît au public, un acteur qui trouve immédiatement le contact avec le public. On était au départ certain que l'on n'aboutirait pas à une solution simple. Si l'on avait choisi un acteur antipathique, il est évident que son comportement aurait été condamné, automatiquement condamné. Si l'on choisit un acteur sympathique et qu'on le montre dans un certain contexte, à ce moment-là, on peut arriver à une véritable interrogation, c'est-à-dire à partir d'un film qui, au départ, si vous voulez, un film de distraction, un film susceptible de plaire au public, on arrivait finalement à des conclusions angoissantes. Si l'on parle maintenant du grand embouteillage, c'est encore plus caractéristique, où le film devient un apologue sur le blocage de nos sociétés, où l'embouteillage est le symbole de ce que nos sociétés sont arrivées dans une sorte de cul-de-sac dont il n'est plus possible de sortir. Alors on est parti d'un certain nombre d'individus bloqués dans cet embouteillage, qui font chacun leur numéro, qui sont très drôles, et puis petit à petit, comme un lait qui tourne, le registre change, et le film devient profondément angoissant. Ici, dans le fond, avec des films comme ces deux films auxquels je viens de faire allusion, on est presque arrivé au terme de l'évolution du genre. On est parti, la comédie dans le fond, on est parti d'un genre qui était un genre complètement lié au divertissement, au spectacle, mettant le public dans une condition euphorique. Puis on est passé à des comédies dont les thèmes étaient déjà un petit peu plus graves, pour en arriver finalement à des comédies qui jouent constamment sur les ruptures de ton, sur le passage du comique au dramatique, du facile au grave, au sérieux, je dirais même à l'angoissant, et en utilisant toujours, et là peut-être on a quelque chose aussi d'original, le support de comédiens qui facilitent ces glissements de sens, ces ruptures de ton. Il est certain que les principaux comédiens sur lesquels repose la comédie italienne, je citais tout à l'heure Alberto Sordi, mais on peut également citer Vittorio Gassman, ou Ugo Tognazzi, ou Nino Manfredi, qui sont en quelque sorte les pilastres de cette comédie italienne. Ces acteurs sont des acteurs d'un tempérament extrêmement souple. De plus, je crois que leur vieillissement, ce serait ici un parallèle qui peut apparaître un peu tiré par les cheveux, mais le western, par exemple, a pris du poids et a abordé des problèmes plus graves avec le vieillissement des acteurs qui y jouaient. On ne pouvait plus mettre un John Wayne vieillissant dans des histoires à l'eau de rose qui étaient celles dans lesquelles il jouait lorsqu'il avait 20 ans. De la même manière, on ne pouvait plus utiliser Sordi ou Gassman ou Tognazzi ou Manfredi dans des histoires tournant autour de rivalités amoureuses, alors que ces comédiens ont tous dépassé la cinquantaine. Donc il y avait une espèce de pesanteur liée aussi aux comédiens, leur permettant, leur donnant la possibilité de jouer dans des films plus inquiétants. Et ceci est même sensible chez un metteur en scène qui est resté très lié aux formules les plus strictes du spectacle et du fonctionnement du spectacle en tant que lieu où l'on s'amuse. Si l'on fait une comédie, on doit rire de bout en bout. Et à mon avis, ce metteur en scène qui travaille de cette façon-là, c'est Dino Risi. C'est-à-dire Dino Risi, parmi ces hommes qui ont illustré, que tout à l'heure cité Comencini, Monicelli, on pourrait aussi citer Zampa, La Touade, qui ont tourné tous des comédies excellentes, celui dans le fond qui est resté le plus lié à des schémas précis, c'est Dino Risi. Et même dans ces schémas-là, Dino Risi arrive à faire des films qui sont singulièrement inquiétants. Pour ne citer que le dernier film que l'on ait vu de lui en France, Cher Papa, à mon avis, le conflit de génération, le phénomène du terrorisme, se trouve être abordé là de manière très aiguë, très précise. Il est certain qu'il ne faut pas demander à Risi plus qu'il ne peut donner. Il n'y a pas le tout du terrorisme en Italie dans le film de Dino Risi, c'est bien évident. Mais il y a quand même une première tentative d'approche, une première tentative de compréhension. Et je dirais que c'est une autre, d'ailleurs, des caractéristiques générales de cette comédie italienne, qui est celle, dans le fond, d'aborder des thèmes que l'on ne trouve pas dans le cinéma dit sérieux. Je citais tout à l'heure Un bourgeois tout petit de Mario Monicelli. Eh bien, dans ces années-là, c'est-à-dire le film est de 1977, eh bien, en 1977, on chercherait vainement, dans toute la production italienne de l'année, un film qui ait affronté aussi courageusement le problème du banditisme, le problème de la dégradation de la condition du petit bourgeois, le problème du malaise de plus en plus fort d'un certain type d'individu dans une société qu'ils ne reconnaissent plus. Et de la même façon, les autres films que nous évoquions sont des films qui, tous, d'une manière ou d'une autre, ont clairement posé un certain nombre de problèmes et les ont abordés avec une franchise qui n'est pas le lot de toute la production et qui souvent n'est pas le lot de la production, je répète, dite sérieuse. Mariti ti si taira maritari e tu non starà la piranza mia mariti ti si taira maritari e tu non starà la piranza mia dai se mi volia la maritari trovava gente. Je citais Comencini, qui était cinéaste que nous venons de découvrir, que personnellement je tiens, avec justement les cinéastes maudits jusqu'à présent, comme Dino Risi, comme l'un des trois ou quatre plus grands cinéastes italiens. Je mets bien avant les cinéastes que nous avons idolâtrés pendant 20 ou 30 ans, comme Visconti, ou Fellini, ou Pasolini, ou Lizzani. Comencini a réalisé Pane Amore e Fantasia, Pain, Amour et Fantasia, avec Vittorio Zicca. Bon, qui est un des plus gros succès populaires en Italie, puisque je crois qu'il avait fait quelque chose comme 1,7 milliard de lire de recettes, alors que le film de Rossellini ou de Lizzani, sorti à l'époque, avait été vu par quelques Pékins à Milan ou à Rome. C'est un film qui a été entièrement rejeté par la critique française, parce qu'on disait qu'il édulcorait le néoréalisme, dans lequel on ne faisait que jurer à l'époque, et que c'était du bas commerce, c'était de la démagogie, que ça n'avait aucun intérêt, que de toute façon, Comencini n'était pas un grand cinéaste. Bon, lorsque l'on revoit le film maintenant, on s'aperçoit que le film de Comencini rend bien mieux compte de l'état social, culturel, politique de la province italienne du moment, bien mieux compte du comportement et des préoccupations des paysans italiens du moment que n'importe quel autre film, soi-disant engagé ou soi-disant d'art, que la critique à l'époque avait défendu comme admirable ou autre. Pour prendre le cinéma néoréalisme, il faut dire qu'il n'y a jamais eu véritablement de définition. Il y a eu je ne sais combien d'ouvrages écrits sur le néoréalisme, des tas d'études parues dans des revues de cinéma. Et en fait, personne ne s'est véritablement mis d'accord pour définir totalement le néoréalisme. D'après certains, c'est le recours à un cinéma qui montrerait les gens du petit peuple dans leurs problèmes quotidiens et un petit côté de grisaille, de vécu. Mais ça, c'est une définition qui serait plutôt la définition du naturalisme et pas forcément du néoréalisme. Pour d'autres, ce serait une adéquation de la forme et du fond dans des perspectives humanistes, qui me semblerait plutôt une définition d'un cinéma. Ça avait un côté un peu chrétien, de militantisme chrétien en faveur des laissés pour compte de la société. Et en fait, on ne trouve pas véritablement de définition. D'ailleurs, quand on commence à reprendre les films néoréalistes, enfin les revisionner 30 ans après, on s'aperçoit malgré tout que la plupart de ces films néoréalistes, d'abord, s'agencent selon des genres déjà établis. Je veux dire que Le voleur de bicyclette, pareil pour prendre l'un des plus célèbres, et la structure narrative du voleur de bicyclette est une structure narrative de mélodrame. Ria Mer de Giuseppe De Sandis, qui a été aussi remarqué comme considéré à l'époque comme l'un des grands films néoréalistes, sa structure dramatique est narrative et double, puisqu'il a d'une part recours à une structure policière, avec suspense, méchant et autres, et par ailleurs aussi à une structure de mélodrame. Donc il n'est pas évident que le néoréalisme, enfin, selon moi, le néoréalisme n'est pas un genre à part, c'est une école, entre guillemets, dont les films s'inscrivent déjà sur des structures narratives préexistantes. Alors ce qui semblait les distinguer justement, c'était ce côté de montrer le petit peuple, les problèmes du quotidien. Si l'on regarde bien les films néoréalistes, ils ont une façon de décrire la vie des pauvres, des ouvriers, des prolétaires de toutes sortes, d'une façon, je dirais, quasi christique. C'est-à-dire, il y a le côté ouvrier pauvre égale Jésus-Christ, une espèce de rédemption dans la misère, quoi, pratiquement. Il y a une sorte de sadomasochisme des cinéastes et des critiques qui veulent absolument que, à partir du moment où l'on traite de la misère, faut que le film soit gris, soit triste, que les gens soient tous des cadavres ambulants, rigolent jamais, ne sourient jamais et tout. Or, même si on n'a pas à manger, Dieu merci, il nous reste encore la possibilité de rire. Et je crois que c'est ce qu'ont très bien compris des gens comme Matarazzo ou Comencini ou Risi. C'est-à-dire que toute situation tragique sécrète en elle-même son propre comique. Bon, ce que Shakespeare avait très bien montré dans ses pièces de théâtre où le burlesque se côtoyait avec le tragique le plus noir. Et moi, c'est en plus ce qui fait la supériorité de la comédie sur ce que l'on appelle le néoréalisme. D'abord parce que, par le recours au comique, la comédie d'abord montre des gens qui vivent tels qu'ils sont et non tels qu'on aimerait qu'ils soient. C'est une espèce de malheureux, les yeux cernés, tournés vers le ciel, et donc des gens vivants avec leurs peines, mais là aussi leur joie. Et en plus, j'estime que le comique sur une situation grave apporte un élément que je pourrais qualifier de distanciation. C'est-à-dire qu'alors que De Sica, dans Le voleur de bicyclette, cherche à nous apitoyer sur le sort des gens, quand Steno et Monicelli tournent Guardi e ladri, gendarmes et voleurs, ou Toto cerca casa, c'est-à-dire Toto cherche une maison, c'est le problème du logement de l'après-guerre, c'est quelqu'un qui cherche à se loger alors qu'il n'y a pas de maison, ou Comencini prohibito rubare, donc il est interdit de voler, donc je ne me souviens plus du tout du titre de distribution française de l'époque, donc sur les orphelins de guerre à Naples, dans l'immédiate après-guerre, puisque le film était tourné en 1947-1948, le recours au comique nous donne une perspective non plus néo-réaliste, mais réaliste. C'est-à-dire qu'il ne nous apitoie plus sur le sort des gens, mais il nous permet de, tout en... en ayant de temps en temps un peu, étant un peu amer et un peu le cœur serré, en faisant appel à nos émotions, même si c'est peut-être aussi le pleur, mais il distancie ça aussi par le recours au rire et qui nous laisse, comment dire, l'esprit libre, le cerveau dégagé pour analyser la situation. Parce qu'avant toute chose, les films de Comencini, de Risi, de Monicelli sont des films, ou de Matarazzo, sont des films qui non seulement constatent une situation sociale, culturelle, politique, mais donne le matériau de base pour analyser cette situation. Alors que le néoréalisme ne s'est jamais borné qu'à la simple constatation de cette situation, et souvent d'une façon très édulcorée. Partono basti mente per terre assai lontane, cantano a bordo sol napolitane. Je voudrais terminer sur Tutti a casa, la grande pagaille de Luigi Comencini. C'est un film dont l'action se situe en 1943, et qui est un film d'ailleurs remarquable dans sa concision temporelle, dans la mesure où c'est un film dont le récit se développe sur une vingtaine de jours. En 1943, l'Italie va connaître une histoire tout à fait original. En juillet 1943, Mussolini est mis en minorité. Il faut rappeler rapidement le contexte. Il est arrêté, incarcéré, libéré par les Allemands et transporté en Allemagne, puis réinstallé à l'automne dans le nord de l'Italie, où il va constituer la République sociale de Salo. À Rome, que se passe-t-il ? À Rome, le roi charge Badoglio, le vieux maréchal Badoglio, de constituer le nouveau gouvernement. Et ce gouvernement va rapidement prendre contact avec les alliés et va décider en septembre 1943 de signer un armistice. Lequel armistice signifie que l'Italie, instantanément, change de camp. C'est-à-dire l'Italie qui jusque-là était l'allié de l'Allemagne devient l'ennemi de l'Allemagne et devient l'allié des Américains, des Anglais, des Français. Ce revirement se fait dans un climat qui plonge la population et l'armée elle-même dans une totale impréparation. C'est-à-dire que ça s'est fait, les tractations se sont déroulées de manière secrète, ce qui fait que les soldats sont brutalement mis devant une situation à laquelle ils n'ont pas été préparés. Et alors le film nous montre, sur une vingtaine de jours, un groupe de soldats qui ne comprennent plus très bien ce qu'ils doivent faire et auquel il apparaît que la seule solution, c'est de rentrer à la maison. D'où le titre italien de Tutti a casa, on rentre chez soi. Et le film va suivre l'épopée d'un de ces soldats, un sous-officier, une fois de plus interprété par Alberto Sordi, qui va aller du nord où il se trouvait au moment de l'armistice, jusque dans le sud, puisque le film se terminera à Naples, et il arrive à Naples vers la fin du mois de septembre, au moment où éclate l'insurrection de la ville, puisque la ville de Naples s'est libérée seule. Il y a eu une insurrection de la population napolitaine qui a rejeté les Allemands. Et alors, ce film nous montre cette Italie de 1943, qui est une Italie qui ne sait vraiment plus où elle est, qui est ballottée entre des influences contradictoires, qui ne sait plus si elle est avec les Allemands ou contre les Allemands, si le roi a changé de camp ou non, s'il faut continuer à suivre Mussolini qui se réinstalle dans le nord ou non. D'où ce titre français de La Grande Pagaille qui rend assez bien compte du climat politique, idéologique, de la situation qui était celle de l'Italie dans ces semaines tournantes. Et c'est dans ces semaines aussi où va se forger une nouvelle conscience. C'est dans ces semaines aussi où la résistance va naître. Il n'y avait pas à proprement parler de résistance avant 1943. Et là, tout à coup, le peuple italien, qui est un peuple auquel on a appris à dire oui, et auquel on a surtout appris à ne pas s'occuper de politique. Le fascisme, dans le fond, a bercé les Italiens dans un grand effort pour leur ôter toute responsabilité. C'est-à-dire que le domaine politique était le domaine de Mussolini, de son entourage politique. Quant aux Italiens, ils devaient s'occuper d'autre chose. Et d'une certaine manière, dans ce pays dont on ne niera pas qu'il est caractérisé par un certain hédonisme, dans ce pays, cela a trouvé certains échos. Or, les événements de 1943 placent les Italiens devant des choix inéluctables. Il faut réagir, il faut prendre ses responsabilités, il faut se définir. Et le film, dans le fond, qui nous raconte un voyage du nord de l'Italie jusqu'à Naples, c'est la construction typique du film d'apprentissage, c'est-à-dire où le voyage extérieur, le voyage géographique, est en réalité un voyage intérieur. Le héros qui, au début, ne sait rien et ne veut rien savoir, veut surtout s'en sortir, rentrer chez lui, si possible se murer chez lui, s'enfermer dans son cocon, va, en traversant cette Italie bombardée, affamée, où les gens se disputent des sacs de farine, où certains soldats, certains amis qui reviennent avec lui sont tués, d'autres sont arrêtés par des fascistes, par la police fasciste qui est encore présente dans le Nord, où en arrivant à Latina où vit son père, il découvre que son père est encore un vieux fasciste qui vit sur les mythes du fascisme, qui demande à son fils « remets ton uniforme et retourne vite dans le Nord ». Donc un père qui n'a rien compris. Ce fils qui continue à fuir, qui arrive à Naples, où les Allemands l'obligent à travailler, et où son dernier ami, qui est interprété d'ailleurs par Serge Reggiani, est abattu par les Allemands. Et cet homme, tout à coup, fait enfin le choix définitif, c'est-à-dire que dans cette insurrection napolitaine qui se déclenche, lui, ancien sous-officier, il aperçoit un groupe de civils qui utilise une mitrailleuse et qui, par manque d'expérience, ne savent pas l'utiliser, ne savent pas introduire les balles dans la mitrailleuse. Cet homme, enfin, qui pourrait continuer à fuir, se précipite sur la mitrailleuse et commence à la faire fonctionner. Donc, ce film nous a permis de suivre l'évolution de ce personnage, nous a permis de voir comment l'Italie basculait dans ses semaines tournantes. Et là encore, donc, un film dont le thème est profondément dramatique, dont le thème est profondément sérieux, et qui est entièrement bâti, lui aussi, sur le comique. Un comique, bien sûr, de porte-à-faux, c'est-à-dire un comique qui est sans arrêt en rupture, c'est-à-dire qu'il y a des moments complètement dramatiques. Mais ces moments complètement dramatiques ne nous laissent jamais le temps de nous laisser emporter immédiatement. Un élément comique revient donner au film sa véritable structure. À mon sens, c'est un film qui est d'une importance décisive parce que sur ces années, enfin sur cette année 1943, qui est vraiment une année tournante de l'histoire italienne, si l'on cherche d'autres films, eh bien on ne trouve pratiquement rien. C'est-à-dire que finalement, le seul film italien qui ait parlé de manière satisfaisante de ces problèmes de l'Italie vers la fin de la guerre, c'est une comédie. Ces films-là n'ont pas été immédiatement perçus dans leur éclairage spécifique. On a encore parlé, dans le fond, de cinéastes qui refusaient de rester à l'intérieur des limites qui devaient être les leurs. Et de même, les scénaristes Age et Scarpelli, qui sont les scénaristes de Tutti a Casa, sont des scénaristes dont on a, là aussi, souvent nié l'importance. En fait, ces films-là correspondaient à un travail en profondeur qui était celui de comédien, et qui était celui de scénariste, qui était celui de cinéaste. Et finalement, si l'on essaie de chercher des films qui rendent compte d'une certaine évolution de la société italienne depuis le début du siècle jusqu'à nos jours, eh bien, je crois, à mon sens, que le meilleur témoignage, nous le trouvons dans les comédies. Et de fait, à partir de ces années charnières, fin des années 50, début des années 60, la comédie italienne va fonctionner constamment avec des hauts et des bas. Toutes les saisons ne sont pas des saisons heureuses. Mais va fonctionner constamment comme un commentaire de la vie italienne. Bandiera rossa, è segno di sangue. Les années du néoréalisme vont être marquées par un recul de la comédie. C'était une période grave, les gens sortaient d'une expérience longue et douloureuse qui avait d'abord été celle du fascisme et puis surtout celle des années de guerre. Années de guerre extrêmement dures en Italie, parce que ce sont des années dans lesquelles il y a à la fois une guerre contre l'étranger, mais ce sont aussi des années pratiquement de guerre civile, entre fascistes et antifascistes. Guerre civile d'une brutalité extrême, marquée par des arrestations, des tortures, des exécutions en masse, avec une présence d'un envahisseur allemand qui a commis en Italie des actes épouvantables. Donc, à partir de 1945, l'atmosphère n'était pas dans le cinéma ayant une certaine prétention qualitative, n'était pas au comique. Bon, il est certain que la comédie, il y en a eu même pendant les années 45-50. Mais c'était vraiment des comédies aux marges presque du cinéma, des comédies de pur divertissement, un peu détachées de la réalité. Les films qui abordaient les problèmes de l'Italie contemporaine étaient des films qui étaient principalement des films dans le registre dramatique. Donc, dans le fond, ces années-là ont plutôt été une période de retrait de la comédie, mais une période pas complètement inutile. C'est une période pendant laquelle la comédie va mûrir et va reprendre à son compte certaines des leçons du néoréalisme. Je m'explique plus clairement. Le néoréalisme est dans le temps une période bien définie, finalement très courte. De 1945 au début des années 50. Au début des années 50, le mouvement néoréaliste est étranglé. Il est étranglé pour quantité de raisons, pour des raisons politiques. C'est le moment où la démocratie chrétienne renforce sa prise en main du pays. C'est le moment où on a déjà comme secrétaire d'État au tourisme et spectacle Andreotti, qui va durcir le contrôle de la censure. Et comme le système des aides à la production est également un système contrôlé par l'État, par le canal de la Banque Nationale du Travail. Certains qu'on ne va pas favoriser le tournage de films remettant en cause la situation de l'Italie. De plus, et dans le fond c'était le seul moyen pour les cinéastes de résister, le succès public. Si les films continuent à avoir du succès, on continuera à en faire. Or les films néoréalistes perdent leur succès public. Il y a une espèce de lassitude du public qui veut revenir à des choses plus gaies. Les marchés extérieurs également fonctionnent très mal. Parce que le néoréalisme a également beaucoup profité de son accueil à l'étranger. Il a beaucoup profité de l'entourage critique qui s'est fait autour de lui, ce qui fait qu'un certain nombre de films qui rencontraient des succès mitigés en Italie étaient amortis grâce à l'exploitation, grâce aux ventes à l'étranger. Ce qui fait qu'un certain nombre de cinéastes jouissaient d'une certaine force qui leur permettait de continuer à tourner. Or, si l'on observe l'évolution du néoréalisme au travers d'un ou de deux cinéastes particulièrement caractéristiques, De Santis ou De Sica, on s'aperçoit que pratiquement les grands films de De Santis et de De Sica s'arrêtent au début des années 50. Avec De Sica, c'est Miracle à Milan, qui est du début des années 50, et après, il y aura encore Umberto Di, et puis après c'est fini. Quoi. Après, De Sica fera des choses toujours qui sont le résultat de certains compromis. Disons que les films que ces cinéastes avaient choisi de faire en grande liberté, sans compromis, ces films-là s'arrêtent au début des années 50. Reviennent donc sur le devant de la scène les genres populaires, d'où l'énorme succès, par exemple, des mélodrames de Matarazzo. Matarazzo, dans les années 50, va, à la fin des années 40 et surtout au début des années 50, avec Amedeo Nazzari, qui est mort il y a quelques mois, et Yvonne Sanson, tourne toute une série d'œuvres. Méprisé d'ailleurs par la critique, jugé lacrymal, jugé jouant sur les sentiments primaires du public. Film finalement beaucoup moins méprisable qu'on l'a dit. Revu récemment, ces films apparaissent finalement d'une grande rigueur. Et notamment, ce sont des films que l'on devrait revoir dans un éclairage nouveau qui serait celui de la condition de la femme. Ces films sont étonnants car ils montrent que dans le fond, dans ces sociétés, un peu d'ordre moral, parce que pour que le mélodrame fonctionne bien, il faut qu'il y ait de l'ordre moral. Sinon, ça ne fonctionne pas. Quel drame serait celui de la fille mère ou celui de l'adultère si nous ne sommes pas dans une société d'ordre moral? Donc, dans ces sociétés-là, le personnage le plus écrasé, la victime, c'est toujours la femme. L'homme se trouve dans une situation privilégiée. Donc je crois que dans cette optique, dans cette clé de lecture, il y aurait tout un retour à faire sur Matarazzo. D'ailleurs, retour qui est fait en Italie. Les Italiens ont reconsidéré l'œuvre de ces cinéastes. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y a aussi des films de Riccardo Freda, de Mario Costa, qui sont des films qui ont été vraiment rangés, méprisés pendant longtemps, comme des films vraiment du second rayon, et dont on s'aperçoit que finalement, ils avaient une certaine dignité, et que par ailleurs, s'ils suscitaient un tel intérêt auprès du public, c'est que d'une manière ou d'une autre, le public devait s'y reconnaître. Et je crois que là, quand on travaille sur le cinéma, il y a une précaution à prendre qui consiste à ne pas s'occuper que des chefs-d'œuvre. Si on ne s'occupe que des chefs-d'œuvre, si on ne s'occupe que des films les plus reconnus, les plus reconnus, on risque de passer complètement à côté d'un certain nombre de phénomènes qui sont des phénomènes liés à la société d'un pays. Et ces phénomènes-là, on va les trouver dans les genres populaires. Est-ce que c'est à cette période aussi qu'on voit naître le péplum ? Exactement. Le péplum renaît dans les années 50. Et le péplum est un genre très ancien dans la cinématographie italienne. C'est un genre qui s'est fondé dans les années 10, qui a été à l'origine un genre de prestige. C'était des films qui étaient destinés à un très vaste marché national et international. Et qui ont d'ailleurs fondé, ces films ont fondé la puissance de l'industrie cinématographique italienne jusqu'à la guerre de 1915-1918. Ils allaient entrer en guerre avec un an de décalage, ce qui fait que leur industrie a pu fonctionner sans heurts au moins jusqu'en 1915, et même encore pendant quelques années. Et ces films-là avaient un énorme succès. Donc le péplum a été un genre très prolifique pendant toute la période du muet. Il disparaît à peu près complètement pendant la période fasciste, ce qui peut être surprenant, dans la mesure où on aurait pu penser que le fascisme aurait utilisé les films situés dans l'Antiquité comme films de propagande. Puisque au niveau de la propagande parlée, au niveau de la propagande dans les journaux, dans les discours, il y a très souvent un parallèle entre l'Empire créé par le fascisme et l'Empire romain. Le fascisme se présente comme l'héritier de l'Empire romain. Dans le cinéma, ça ne donne rien. Ça donne un seul film qui s'appelle Scipion l'Africain, et le rapport était évident, Scipion l'Africain détruisant Carthage dans les années où les Italiens s'installent en Éthiopie. Or, curieusement, ce filon qui aurait pu se montrer extrêmement bénéfique, profitable, en fait, ne s'est pas constitué. Et Scipion l'Africain est resté un cas isolé. Les raisons en sont complexes. Vraisemblablement, Scipion a coûté beaucoup d'argent et n'a pas eu le succès que l'on escomptait. Parce que dans le fond, ce film qui se raccrochait à la tradition du péplum constitué pendant la période muette était un film sérieux. Il y avait un décalage insupportable pour le public. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'image de genre qui était parfaitement constituée. Le péplum était un genre de divertissement, dans lequel alterner, d'ailleurs, il suffit de voir, et ça surprend beaucoup quand on voit les films de cette période-là, les films des années 10 et du début des années 20 sont des films qui fonctionnent déjà sur les deux bases du cinéma le plus populaire, c'est-à-dire la violence et l'érotisme. Vous avez dans ces films-là, la violence, ça va de soi, c'est évident, il y a des combats, il y a des affrontements, on n'est pas surpris de la trouver. Par contre, l'érotisme, on est un peu plus surpris. Or, dans ces films, il y a toujours des séquences d'orgies, de flagellation de femmes. Il y a même un peu de nu, allusif, mais il est quand même présent. Il y a vraiment c'est un cinéma qui fonctionne sur ces deux bases qui sont celles de la violence et de l'érotisme. Or, en faisant, pendant la période fasciste, alors s'il y a eu une période d'ordre moral, c'est bien celle-là, un Scipion africain, qui avait pour fonction d'exalter la conquête de l'Afrique par l'Italie, on faisait un film sérieux, mais d'un sérieux imperturbable. Scipion, dans le film, déclame du Tite-Live, tel quel. Donc un film qui ne pouvait pas fonctionner, qui allait complètement à rebours, et qui allait à contre-courant par rapport à l'image que se faisait le public du genre. Ce qui fait que le genre s'arrête, il n'a aucune descendance, et il réapparaît dans les années 50, en jouant, au contraire, le retour à la tradition. Quando l'albero comincia a fiorire, la primavera sta per partire. Amante mio, tu mi lasci sola, amante mio, tu mi lasci sola. Quando l'alber comincia a fiorire, la primavera sta per partire. Amante mio, tu mi lasci sola, e Dio sa quando ritornerà. Quando sarai via nell'America, sposerai un'americana, non penserai più di me italiana, non penserai più di me italiana. Quando sarai via nell'America, sposerai un'americana, non penserai più di me italiana e dell'amore che t'ho portato. E maledetta ne sia la macchina. Le péplum, c'est une longue histoire parce que c'est le seul genre, on pourrait dire, véritablement particulier que le cinéma italien est créé presque et nourri à plusieurs reprises. Après la guerre, dans les années 50, un producteur italien, dont je dois dire que je n'ai pas retenu le nom, a eu l'idée de relancer les films sur l'Antiquité. Et il a commencé par une chose qui pouvait rappeler aux gens ce qui avait été machiste, mais en frappant carrément à l'origine de la chose, c'est-à-dire à Hercule. Les deux premiers péplums ont été consacrés aux aventures d'Hercule. Le genre a pris comme une traînée de poudre, comme d'ailleurs la plupart des lancements de genre, si l'on peut dire, en Italie, parce que la notion de genre est associée dans l'esprit des producteurs transalpins à l'idée de la poule aux œufs d'or qu'il faut exploiter à toute vitesse, n'est-ce pas ? En fait, il n'y a pas du tout de culte du genre au sens scolaire du terme. On ne s'interroge pas sur la nature du genre. Et d'ailleurs, je pense même que les producteurs en question auraient été très étonnés si on leur avait dit que 10 ans après, il y aurait des études en France très sérieuses sur qu'est-ce que le péplum. Maintenant, ce sont eux qui font d'ailleurs eux-mêmes des études sur le péplum. Et alors, on a baptisé, je crois que le mot d'ailleurs est d'origine française en fait, ce mot latin a été imposé au genre par les critiques français, qui par chance ont découvert qu'un certain nombre de ces films-là étaient faits par des metteurs en scène très intéressants, qui ne manquaient pas de qualité esthétique, et qu'à côté d'une foule de sous-produits sans intérêt, purement destinés à exhiber des athlètes et le progrès des mœurs et dans des jeunes femmes plus ou moins déshabillées, il y avait des films qui s'efforçaient à différents degrés, soit dans l'ordre du fantastique, soit dans l'ordre de la critique sociale indirecte, d'être, et quelquefois les deux à la fois, d'être des œuvres d'art. Alors, la vogue du péplum a été réellement extraordinaire le temps qu'elle a duré en Italie, mais elle n'a duré en fin de compte qu'une dizaine d'années. Elle a en plus bénéficié d'un concours de circonstances extérieures qui a été le fait que ça a été l'époque où, à Cinecittà, les Américains ont réalisé quelques-unes de leurs super productions à sujet antique. Il y avait coïncidence dans le temps, coïncidence quelquefois dans l'emploi des acteurs qui passaient d'un film à l'autre, quelquefois coïncidence dans l'emploi du matériel, du décor, Et ensuite, le péplum a vécu de sa propre existence, et il y a même eu un péplum fait pour brûler et donc se débarrasser des décors du péplum précédent. On avait fabriqué une salle en beau, les décors étaient un peu trop compacts, et on a fabriqué une histoire totalement artificielle intitulée « Carthage en flammes ». Pour pouvoir brûler les décors de Salambo. C'est le même metteur en scène, 2 ans après, qui s'est livré à cet exercice, ou 1 an après. Et le péplum a donc été... Alors le péplum a certainement été un genre populaire. Sa disparition est, si l'on veut, inexplicable. Simplement, les gens se sont lassés, probablement. Il y a dû y avoir quand même une chute de fréquentation au bout de 10 ans. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'est apparu le western italien, qui est lui aussi, en fait, le produit d'une tentative de production pour lancer, une fois de plus, un genre, entre guillemets, c'est-à-dire un filon, pourrait-on dire. Le péplum présentait, je crois, aux Italiens un héros de type qu'on peut qualifier de type universel. Je parlais de Tarzan tout à l'heure à propos de machiste. Bon, c'est le redresseur de tort qui est en même temps un super athlète. Bon. Ça, on peut dire que c'est une chose qui n'a rien de propre à l'Italie. Mais le peuplement présentait en quelque sorte la version italienne. Tantôt par référence à l'Antiquité, c'est-à-dire en tout cas au monde méditerranéen, donc à des structures sociales et surtout à un décor naturel familier aux gens. Le cinéaste américain qui fait un Tarzan, comme il n'était pas question d'aller en Afrique, au moins pour les premiers Tarzans, ça se tournait à Hollywood dans un endroit totalement artificiel. Les films de Franceschi qui a lancé le genre, si l'on peut dire, puis de Cotta Favi ou de Freda quand ils sont occupés de faire des péplums, étaient tournés tout bonnement sur les côtes de la Sardaigne, de la Sicile, sur des plages que les gens pouvaient assez facilement, je dirais même à la limite, identifier. Bon. On était donc en prise sur une forme de la réalité italienne, c'est-à-dire au moins sur le paysage italien, sinon sur la réalité sociale. Les solfatars près de Naples sont automatiquement l'entrée des enfers. C'est la chose du monde la plus simple. Et d'ailleurs, c'est très curieux de constater que c'est la répercussion d'une tradition antique, puisque les anciens croyaient qu'effectivement, on descendait aux enfers par ces lieux-là. Le cinéma n'a donc fait qu'entériner en quelque sorte une croyance mythologique et la rendre visible. D'autre part, le personnage d'Hercule était... Il ne faut pas oublier quand même que l'histoire du cinéma italien dont nous parlons là est relativement courte. Les gens de la génération antérieure aux plus jeunes spectateurs, disons spectateurs adolescents, des premiers péplums, pouvaient eux-mêmes avoir vu les derniers machistes dans leur jeunesse. Et d'ailleurs, non seulement Hercule a été conçu très largement en ressemblance à machiste, mais machiste a été relancé dans le péplum. Parmi les derniers péplums, on revoit reparaître machiste. Dans des aventures, justement, souvent extra-temporelles. L'un des derniers péplums faits par Freda se passe en Écosse au XVIIe siècle. C'est une sombre histoire de... j'allais dire, comme les sorcières de Salem. Enfin, c'est une sombre histoire de sorcellerie et de femmes accusées injustement d'être sorcières, n'est-ce pas? Et évidemment, l'arrivée de machiste quasi tout nu sur un cheval blanc, comme ça, au milieu du paysage, détonne quelque peu. Il faut plusieurs minutes pour s'habituer à cette situation absurde. Simplement parce que je pense qu'il s'agit en fait du remake pur et simple d'un film de la fin du cinéma muet, ou peut-être du cinéma parlant. Le remake pur et simple, d'ailleurs, c'est faux, parce que le film est quand même aussi libre de ton sur la sorcellerie et sur la sexualité qu'il pouvait l'être dès le début des années 60 en Italie. Évidemment, un certain nombre de préjugés conventionnels ont certainement disparu entre le premier film et son remake. Mais je pense qu'en cela, c'était un cinéma populaire. C'est un cinéma populaire aussi en raison d'un certain nombre d'éléments de dialogue et notamment d'interventions de personnages comiques. Pas dans tous les péplums, mais dans un certain nombre d'entre eux, de personnages comiques qui, eux, relevaient du personnage traditionnel, des personnages traditionnels de la comédie italienne, c'est-à-dire le valet peureux à côté du maître, au contraire audacieux et généreux. En plus, les structures mélodramatiques de l'intrigue renvoient non pas à la comédie italienne, mais à cet autre genre populaire qu'était le mélodrame. Là, on a affaire également à un phénomène universel. Le film d'aventure, en général, a souvent des structures mélodramatiques. Mais dans le cas des Italiens, il s'agit d'un plaquage beaucoup plus simple, puisque, à côté, on continuait en Italie à fabriquer des mélodrames, soit historiques, soit contemporains, en série, et par conséquent, le public retrouvait le même type d'intrigue dans le péplum, avec les personnages habituels, le traître, le despote, la jeune fille innocente et trahie, etc. Tout ce personnel passait sans hiatus de mélodrames contemporains ou historiques à des péplums. Et d'ailleurs, ce qui est assez remarquable, c'est que les mélodrames ont disparu à peu près maintenant des écrans italiens, sauf sous des formes extrêmement... détourné à travers un certain type de films érotiques, le mélodrame a disparu du cinéma italien à peu près en même temps que le péplum. Et pour le mélodrame au moins, on a l'explication qui a été la télévision. Lorsque la télévision italienne a commencé à faire des dramatiques, ils ont fait des mélodrames, les gens ont donc cessé de demander des mélodrames au cinéma.